Mathilde, bonjour. Bonjour Véronique. Je suis ravie de vous retrouver en ce tout début d'année, et surtout parce que ça faisait un petit moment quand vous n'avez pas vu à cette antenne. Exactement, oui, je suis aussi ravie de revenir avec vous pour cette émission. On redit ce qu'est la Freloche ? Alors la Freloche, rapidement, c'est l'Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance, une association qui regroupe à peu près une soixantaine de chercheurs de toutes disciplines confondues qui travaillent sur l'enfance, aussi bien en littérature qu'en histoire, histoire de l'art, sciences de l'éducation, sociologie, etc. Voilà. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Nière-Chevrel, qui est professeure émérite de l'Université de Rennes 2. Alors Isabelle Nière-Chevrel, vous êtes professeure en littérature comparée et vous faites partie de ces chercheurs qu'on appelle parfois pionniers, qui défendent toujours d'ailleurs, l'importance et la légitimité de la littérature de jeunesse et de la recherche en littérature de jeunesse dans le monde universitaire. Vos travaux ont, entre autres, porté sur la réception de l'œuvre de Lewis Carroll en France, sur la comtesse de Ségur, plus récemment sur l'histoire de la traduction. Et vous travaillez aussi sur l'image, sur l'album pour enfants, et en particulier, ce qui va peut-être un peu plus nous intéresser ce matin, sur Babar. Alors, pourquoi avoir choisi de travailler sur l'éléphant, qui est peut-être l'éléphant le plus célèbre de la littérature de jeunesse ? Qu'est-ce qui vous a conduit à mener vos recherches sur Babar? Je n'ai aucun souvenir historique précis. Je peux juste dire deux choses. La première, c'est que c'est pour moi une lecture d'enfance tout à fait importante. Moi, mes frères et sœurs, mes cousins, enfin, c'était une des grandes affaires de notre vie. Et sans doute, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur l'album, et donc avec cette question du rapport du texte et de l'image, j'étais amenée à travailler sur Babar. Quand exactement? Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Et alors, c'est une recherche que vous avez menée en lien avec vos enseignements à l'université de Rennes 2 ou indépendamment? Sûrement. Alors, on peut dire une chose, c'est que j'ai commencé à travailler plus particulièrement sur l'album une année où des collègues de ministère de l'Art m'ont demandé de faire un cours pour les étudiants. Ils m'ont dit « Oh, tu ne travailles pas sur les images c'est nous, tu fais le reste ». Évidemment, ce n'est pas ce que j'ai fait. Et grâce à eux, en ayant monté pour eux un cours d'une année exclusivement sur sur l'album, j'ai donc travaillé très vite, je crois que c'est là, sur le texte-image. Et entre autres, cette donnée essentielle, c'est que texte et image s'organisent dans un espace qui est à la fois l'espace de la page et de la double page, et bien sûr, l'espace du volume. Je crois que c'est comme ça que c'est venu. Je peux même donner un exemple, ça je m'en souviens fort bien. Deux choses. C'était la bonne époque des diapositives. Bien. Par économie, j'ai demandé au photographe de l'université de me photographier les deux pages ouvertes en même temps, pour avoir une diapositive et pas deux. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que d'une part, c'était cohérent, puisque l'enfant avait sous les yeux les deux pages à la fois. Après ça, dans quel sens il prenait les choses, c'est une autre affaire. Et ensuite, parce que je me suis rendu compte avec Babar, que dans l'œuvre de Jean de Brunhoff, chaque double page était titrable. C'était une séquence narrative. Donc, ce qui a fait beaucoup progresser ma réflexion. Je peux maintenant donner un exemple dont j'ai un souvenir très, très précis. La fameuse mort de la mère dans l'histoire de Babar. Je montre cette diapositive aux étudiants, je ne sais plus quel était mon commentaire, et tout soudain, je prends conscience que les collines de la page de gauche sont rosées. Il se promène sur les autres, c'est le moment. Et que les collines sur la page de droite sont grises. La nature prend le deuil. Là, on ne peut avoir qu'admiration. Donc, cette articulation entre enseignement et recherche, notamment, vous ont conduite à travailler sur cette histoire d'espace, notamment et sur la double page. Est-ce en cela que Babar, en tout cas, on va plutôt dire le premier album, donc l'histoire de Babar, est un album novateur, ou parfois on qualifie de premier album pour enfants? Est-ce que ça a un sens ou pas? Alors, on ne peut pas dire que c'est un premier album pour enfants, ce serait historiquement faux, Hein. L'album pour enfants se construit très lentement, enfin par étapes, au 19e siècle. Bon, et quelque chose comme les ouvrages de Boutet de Montvel, même si Jeanne d'Arc est un peu un livre plutôt pour plus grand, ce sont des albums pour enfants. Bon. Mais Jean Brunoff est un tournant, à mon sens, dans l'histoire de l'album pour enfants en France, mais vraisemblablement de manière globale, générale, mondiale. Hein, ce qui explique aussi sa réception étonnante en Angleterre et aux États-Unis, qui étaient déjà très éveillés au monde de l'album. Et déjà, d'ailleurs, Boutet de Montvel avait fait le voyage vers les Amériques. Hein. Donc là, c'est quelque chose. C'est un ouvrage révolutionnaire. Alors, en quelle mesure peut-on parler de révolution, de tournant avec... En quoi est-il révolutionnaire? Je vais prendre un exemple parce que ça sera peut-être plus clair. Jean Brunoff et ses enfants connaissent les petits livres de Béatrice Potter, qui à l'époque ne sont pas forcément traduits en français, qui sont déjà des choses merveilleuses. Mais Béatrice Potter met sur chaque page le texte d'un côté et une image de l'autre. Autrement dit, elle a une image par moment de lecture. Bon. Simplement, ce que Béatrice Potter a découvert, c'est qu'elle pouvait jouer sur la tourne des pages. Par exemple, Pierre Lapin est très content dans le jardin, et quand il tourne la page, et il tombe sur Monsieur McGregor en train de planter, il se rétrécit quasiment, la couleur disparaît, etc. Trouille monstrueuse. Bon. Qu'est-ce que fait Jean Brunoff? Il fait quelque chose de très intéressant. Il est peintre au départ, donc il travaille sur une surface à deux dimensions, en gros un rectangle en hauteur ou en largeur, et passer de la surface de la toile à l'album, c'est découvrir qu'il y a un autre système de surface. Entre autres, Jean Brunoff va comprendre à un moment un déclic merveilleux que la structure du livre, c'est cette pliure centrale qui permet soit de séparer l'espace de gauche et l'espace de droite, soit de le faire fonctionner comme un diptyque, ce qu'il fait dans le premier Histoire de Babar, Babar sur l'autre maman, Babar après la mort de la mère, soit ce qu'il va découvrir dans le second avantage, dans le voyage de Babar, c'est la possibilité qu'on avait déjà trouvé chez Job de faire des images à fond perdu, c'est-à-dire des images dans lesquelles la couleur permet de donner l'impression, permet d'aller jusqu'au bord de la page, jusqu'au moment où on va massicoter les pages. Et donc, l'image envahit tout l'espace. Et chez Jean Brunoff, ça correspond toujours à des moments, au moment de grande émotion. Quand on regarde bien. Je ne dis pas que c'est calculé. Hein, c'est un résultat de création. Bon. Alors, ça, c'est une première chose. Et d'autre part, Jean Brunoff va découvrir qu'il peut utiliser ce diptyque, page de gauche, page de droite, il peut l'utiliser pour varier le nombre d'images dans la double page. Parfois, c'est un système 2, 2, 2, 2, 4. Bon. Mais très souvent, on peut avoir des jeux de rythme, de dimension d'image différente, de fluidité différente entre l'image de gauche qui mène, par exemple, lorsqu'il s'enfuit de la jungle, qui le mène dans une sorte de courbe jusqu'à la ville. Autrement dit, là, il est le premier, je crois, à avoir, et faut-il dire compris, en tout cas senti que l'image avait un potentiel narratif. Bon. Et il va jouer de cela admirablement. Il va en jouer pour des tas de choses. Et il va jouer aussi sur le fait qu'un album, c'est un livre. Bon. Donc, c'est une succession de pages dans lesquelles la page de droite, parce qu'elle est en papier un peu épais pour que l'encre ne déborde pas de l'autre côté, permet de jouer un rôle de cache. Bon. Donc, il y a deux effets possibles. Il y a un premier effet qui est le seul fait de tourner les pages. Quand on tourne la page, c'est est-ce qu'on est plus tard? Est-ce qu'on est plus tard dans un autre lieu? Est-ce qu'on est dans le même temps, mais ailleurs? Et vous connaissez la célèbre page initiale, la grande forêt, un petit éléphant est né, il s'appelle Babar. Pour l'endormir, sa maman le berce, en chantant tout doucement. Bon, on tourne la page. Babar a grandi. Voilà, on tourne la page et il est maintenant au jardin d'enfants. 3 ans. Bon, merveilleux. Parce qu'il faut tout de même qu'il raconte une vie en 46 pages, ce qui n'est pas si simple. Bon. L'autre exemple qui est bien connu, c'est le second, Voyage Babar, Départ donc, toute la foule des éléphants voit Babar et Céleste dans leur petite nacelle qui s'éloigne pour leur voyage de noces. On tourne la page, on a l'admirable, des plus belles pages qui soient, cette espèce d'émotion devant la beauté de la Méditerranée, Babar dans le ciel, bon, et en bas les oliviers, etc., bon. Et ce bleu, cette espèce d'invasion du bleu, on tourne la page à nouveau, et c'est la tempête. C'est presque un souvenir de l'île mystérieuse, avec des couleurs différentes, avec des marges blanches qui reviennent. C'est-à-dire que là, il y a un usage que tous les illustrateurs connaissent bien aujourd'hui, on pourrait presque dire de dramatisation. Hein? Bon. Et donc, on peut, au fond, un album pour enfants, c'est à la fois une architecture et un rythme. Il y a à voir avec le travail de l'architecte, on pourrait dire, et avec le travail du musicien. Alors, cette architecture et ce rythme, vous avez beaucoup parlé du premier album de Jean de Brunhoff, l'histoire de Babar. Vous évoquez un petit peu le voyage de Babar. Est-ce que ce travail de rythme que Jean de Brunhoff, qu'il l'ait senti ou compris, est-ce qu'on le retrouve de façon systématique ou au moins répétitive dans les autres albums de Jean de Brunhoff? Absolument, absolument. Alors, avec des variations, mais on le retrouve jusque dans le dernier qu'il est totalement réalisé, c'est-à-dire Les Vacances de Zéphyr, qui est un chef-d'œuvre absolu. Bon, qui est d'une autre tonalité chromatique, etc., où on a à nouveau ce jeu sur la double page envahie. Bon, alors avec deux remarques que je voudrais faire sur cet album-là, c'est, est-ce la première fois, je ne sais plus, cette admirable double page, ou deux pages plutôt en vis-à-vis, où Zéphyr pêche des sirènes, qui est une image sans texte. Et nous voyons ce que Zéphyr ne voit pas. Donc, on voit bien là comment on joue le rôle de celui qui regarde. Et quand on regarde bien, ce qui est la sirène qui est pêchée par Zéphyr, c'est celle dont on voit les seins. Merveilleux. Autrement dit, c'est dans le secret de la rêverie érotique d'un petit enfant. Mais lorsque la sirène arrive au ras de l'eau, on ne voit plus les seins, c'est caché par ses cheveux. Bon, il y a aussi une pudeur, ce qui est tout à fait normal. Et quand on regarde bien, la dernière image du texte, c'est à nouveau ce petit, comme un petit cul de lampe, les trois petites sirènes sur leur rocher, avec la sirène au sein nu. Donc les seins nus, c'est pour plus tard. Alors, les albums de Babar ont eu beaucoup de succès. Justement, moi, j'aime beaucoup aussi Les Vacances de Zéphyr et... Pourquoi, finalement, cet album est peut-être un petit peu, enfin, même, je pense, beaucoup moins connu que les autres? Est-ce que Laurent de Brunhoff, donc le fils Jean de Brunhoff, n'a pas voulu exploiter ce personnage de Zéphyr? Pourquoi n'y a-t-il pas aussi des séries de Zéphyr? Est-ce qu'on le sait? Alors, je vais essayer d'expliquer la chose rapidement. Au fond, il me semble qu'il y a un premier ensemble, qui est Histoire de Babar, c'est au fond un enfant qui accède à l'âge adulte. Devenir roi, ce n'est pas régner, c'est pas l'éloge de la monarchie. C'est au fond, comme dans les contes, être celui, non pas celui qui règne sur, mais celui sur lequel on ne règne plus, devenir un adulte. Le second, c'est un album tout à fait remarquable, c'est Le Voilà Roi. Mérite-t-il d'être le roi? C'est la mise à l'épreuve. Et ça, c'est très cohérent. Une des réponses, c'est qu'il est capable de mettre fin à la guerre. Bon. Donc, Babar est un grand général. Bon. Donc, il est roi et il est légitimement roi. Hein, enfin, pas statutairement roi, mais il est digne d'être, il est l'homme de la situation. Et puis ensuite, c'est un petit peu en panne. Le troisième, Laura Babar, il faut construire une ville. Et là, on voit bien que le livre manque d'enjeux narratifs. Du même coup, c'est un peu plus compliqué à construire. Et j'estime qu'à l'issue de ces trois livres, Jean de Brunhoff a terminé son cycle. J'ai envie de dire, il n'a plus rien à dire avec Babar. Il va faire pour ses enfants, ou va dire pour ses enfants, pour les enfants, un admirable abécédaire avec du plein de petits éléphants. Et peut-être par la sollicitation de ses enfants, il va prendre ce personnage marginal qui est Zéphyr. Et du même coup, ça le relance. ça le relance sur un autre thème, avec un animal beaucoup plus anthropomorphe. Au fond, c'est un petit garçon, c'est ce que dit Mathieu dans les interviews qu'on voit à l'exposition de la Bibliothèque nationale. C'est qu'au fond, il se sentait plus proche comme petit garçon que le gros pachyderme de Babar. Bon. Mais lorsque ces albums sont passés chez Hachette, qui avait tout de même une sorte de grande volonté de couvrir le marché populaire, au fond, celui qui fait série, c'est Laura Babar. Je pense que c'est ça l'explication fondamentale. Et puis la maladie. Hein. Après ça, il était quand même, Jean Brunoff était quand même diminué. Hein. Alors si on revient je crois qu'il faut signaler aux auditeurs l'intérêt et l'importance des deux expositions qui ont lieu en ce moment à Paris, pardon. L'une est une exposition qu'il faut se hâter d'aller voir parce qu'elle va se terminer vers la fin janvier, qui est une exposition à la Bibliothèque nationale, à la Galerie des donateurs, des dons qu'ont fait les trois fils Brunoff, Laurent, Mathieu et Thierry, de documentation préparatoire à trois albums. Bon, ça, c'est une première chose. Et une exposition qui est beaucoup plus longue, à la Galerie des Jouets, au Musée des Arts Décoratifs, qui répond peut-être davantage à la question que vous posiez, à savoir le destin. Bon, le destin, la pérennité, ou la transformation, pérennité, ce n'était pas le terme exact, de l'œuvre de Jean de Bonhoeff, c'est à partir du personnage de Babar que son fils reprend, avec une sorte d'hésitation initiale, Babar et ses coquins d'Arthur, puis les albums plus personnels, et puis il revient au personnage de Babar, il invente de nouveaux personnages dans la lignée, etc. Et puis, assez vite, les produits dérivés. Très vite, dès 33, c'est frappant, les peluches, bon, et ensuite, après la guerre, des reprises sous forme un peu narrative dans la Bibliothèque Rose, des jouets, des DVD, enfin, etc., etc. Bon, du même coup, Zéphyr, qui est un album somptueux, on dit souvent que le premier livre de l'intériorité enfantine, c'est Max et Maxi Monstre. Non, ce sont les vacances de Zéphyr, hein. Bon. Et je crois même, pour aller plus loin, pour rejoindre le début de l'entretien, c'est que finalement, je crois que la manière désastreuse dont les albums de Jean Brunoff ont été réédités après la guerre a contribué à faire oublier son apport. La leçon de Jean Brunoff n'a pas été retenue. Quand on voit les reprises par Hachette dans les grands albums Hachette d'après la guerre, non seulement La mort de la mère est censurée, une de mes tantes nous racontait ça et elle nous expliquait qu'elle s'arrêtait là. Elle disait « C'est trop triste, c'est trop triste, il faut que je pleure, je peux pas aller plus loin. » Et nous, on lui disait « Si, si, continue bon. !» Et au fond, c'était la mise en avant de la vaillance enfantine. Bon, ce qui est quand même, après tout, aussi une leçon de vie, hein, ce qui est important. Bon. Et donc, je crois que la manière dont les livres n'ont pas été réédités, on va dire, à l'identique, après la guerre, a contribué à faire oublier cet apport. Et c'est vraiment très grand dommage. On va peut-être écouter maintenant l'adaptation justement de Babar par Francis Poulenc, qui a été l'un des musiciens qui a donc été peut-être un amoureux de Babar. Donc on va pas écouter le tout début, ça va être la deuxième partie, la rencontre avec la vieille dame. Maintenant, Babar habite chez la vieille dame. Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique. Puis il prend son bain. Se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. « pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux, car il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis, les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman. Mathilde Hennequine à la narration, Christophe Buren au piano, donc c'est l'histoire de Baba, musique de Poulenc. C'est une édition naïve. Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ce matin, Mathilde Lévesque, présidente de l'association Afrelos, reçoit Isabelle Nière-Chevrel. Alors Isabelle Nière-Chevrel, vous avez évoqué les deux expositions qui ont actuellement lieu à Paris, qui sont consacrées à Babar. Alors la première, qui est donc à la Bibliothèque nationale de France, qui, alors faut se dépêcher d'y aller parce que c'est jusqu'au 29 janvier. Je précise que l'entrée est libre. Il s'agit donc d'une exposition qui s'intitule « La fabrique de Babar » et qui expose des dessins originaux, des aquarelles préparatoires, des esquisses, des maquettes. Et une seconde exposition qui, elle, on a un petit peu plus de temps pour aller la voir, au Musée des Arts Décoratifs de Paris, à la Galerie des Jouets, jusqu'au 2 septembre, les histoires de Babar, à l'occasion des 80 ans de l'éléphant créé par Jean de Brunhoff. Alors, que peuvent apporter ces expositions à un chercheur, ou à un chercheur en littérature, peut-être, qui travaille sur les textes, le texte et l'image? Alors, je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'album pour enfants de manière générale, je pourrais dire Babar en particulier. Oui, bien sûr, c'est une exposition tout à fait passionnante. Qu'est-ce que les expositions apportent aux chercheurs? Le chercheur arrive, bien sûr, avec sa culture, avec ses questions. Parfois, il a une question, il ne trouvera pas de réponse. Parfois, il y trouvera des choses pour lesquelles il n'avait pas posé de questions. Bon. L'exposition de la Bibliothèque nationale est assez pointue, on va dire. Beaucoup d'entre nous avons l'occasion de voir dans des expositions des originaux de travail d'un grand artiste. Souvent, on pourrait trouver que le travail est plus fin que la reproduction qui sera proposée. Ce sont des problèmes de coût. Là, l'intérêt est celui-là, bien sûr, mais il est autre. Ce qui est trois choses passionnantes à la BNF. Le premier, c'est que bien souvent, on a le montage préparatoire et le débat entre Jean de Brunhoff et son imprimeur. Et donc, les questions, faites le jaune comme ceci, la trame comme cela. Et comme il y a des gouaches pour masquer des effets d'aquarelle, on a aussi les repentirs. Je signale entre autres un magnifique repentir, je ne sais plus dans quelle exposition elle est, sur déplacer le visage de Babar, de Zéphyr, entre les grandes pierres quand il arrive au royaume des Gogoths. C'est passionnant. Donc ça, c'est passionnant. C'est passionnant parce que on a quelque chose qui est avant la finition. On a le débat. Bon, ça, c'est passionnant. Parfois un petit peu difficile à lire parce que c'est écrit à un petit crayon. Bon, mais c'est très passionnant. Et puis on a pareil. Alors on a deux choses passionnantes aussi. On a le fait qu'il y a des dessins qui n'ont pas été retenus, dont un qui a servi pour le carton de l'inauguration, qui est tout à fait étonnant. C'est Babar assis sur un banc ou une chaise, je ne sais plus, surplombant un paysage en ruine, ruiné par la guerre. Bon. Et l'hypothèse, c'est que ce dessin aurait pu être prévu pour être la fin de l'album. Quelque part, c'est bien sombre, mais c'est très émouvant aussi. Bon. Et d'autre part, ça va dans le même sens. Les organisateurs de l'exposition, commissaires d'exposition, ont fait appel à aux nombreuses interviews et également de la documentation familiale. Il y a entre autres une lettre que je trouve très émouvante. Il faut se souvenir que Jean Brunhoff est né en 99, qu'il a fait la guerre, et on a un extrait d'une lettre à son père sur un moment où il a traversé la région de Reims et où il décrit ce paysage dévasté par la guerre. Et on se dit, oui, ce sont ces images-là qui apparaissent dans Le Voyage de Babar, et on se dit, tiens, encore un auteur, encore un écrivain pour la jeunesse ou pour enfants marquée par le désastre de la guerre, la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est aussi une chose que nous donnent les expositions. Une documentation qui est, on va dire, d'ordre privé et qui nous est ainsi proposée. Donc, je crois qu'il est fort rare qu'un chercheur arrive dans une exposition sur un sujet qui l'intéresse où il ne trouve pas au moins une, mais plus souvent 10, 20, 30 questions qui l'intéressent. J'y suis allée hier, donc, avec un grand carnet que j'avais acheté spécialement, et le monsieur qui regarde l'exposition a très vite remarqué, on a fait conversation, etc. Bon. Quant à l'exposition, la seconde, celle qui est au musée de l'art décoratif, son angle d'attaque est tout à fait différent, puisque c'est la galerie des jouets. Bon. Donc, au fond, moi, je m'intéresse moins aux jouets qu'aux albums. Bon. Et là, le point de vue est plutôt la question que l'on peut se poser de comment une œuvre qui est célèbre, peut-être parfois une célébrité un peu entretenue par les marchands, va entrer dans les chambres d'enfants, des pots de moutarde, des trucs de correspondance, enfin tout ce qu'on voudra. Hein, bon. Et donc là, on a quelque chose qui peut-être peut heurter plus le chercheur, la chercheuse que je suis, mais je pense au contraire, c'est typiquement un objet qui va intéresser des gens qui vont travailler sur la relation entre création et marchandise. Hein? Alors, si je voudrais signaler que, du même coup, a été publié un catalogue qui s'appelle « Les histoires de Babar », qui est tout à fait passionnant, une somme correcte, 35 euros, bon, très, très intéressant parce qu'il reproduit l'essentiel des documents de ces deux expositions, et c'est donc une sorte, souvent une exposition, après on prend des notes, mais on va oublier, on va plus... Bon, alors là, on a les documents, on les conserve, et là, il y a une documentation pour un chercheur, quel que soit le domaine du jouet, soit le domaine du livre, tout à fait irremplaçable. Et qui vaut vraiment la peine, si je puis dire, de faire un investissement. Et pour revenir à l'exposition La Fabrique de Babar à la Bibliothèque nationale de France, ce sont des dons récents ou est-ce que les commissaires de l'exposition ont rassemblé des documents conservés à la réserve des livres rares, c'est-à-dire des documents qu'on ne verra qu'à l'occasion de cette exposition? Alors... ou sont-ils accessibles par ailleurs aux chercheurs? Je ne sais plus exactement quand le don a été fait. Dans les années 2005, je crois. Hein. Donc, Laurent Brunhoff, qui vit aux États-Unis depuis longtemps, qui est remarié à une Américaine, a fait donc ce qui était tout à fait légitime de l'histoire de Babar à la Morgan Library, qui en a tiré un très beau parti. On trouve sur Internet une documentation formidable et un gros livre, très intéressant, très intéressant. Mathieu a donné tout ce qu'il possédait, tout, je ne sais pas si c'est le terme, sur les vacances de Zéphyr, et Thierry a donné ce qu'il avait sur le roi Babar. Alors, il est probable que ce que nous voyons dans l'exposition n'est pas le tout de ce qui est à la réserve, mais les chercheurs savent bien que pour avoir accès à la réserve, il faut montrer patte blanche. Donc, bon, voilà. Mais c'est une merveilleuse idée. D'abord parce que Jean Brunhoff, parce que c'est un créateur de première grandeur, et parce qu'il me semble tout à fait intéressant que des éléments d'histoire culturelle aussi importants puissent, comme des œuvres destinées à des adultes, faire partie des collections de la BNF et être mises en valeur. Lorsque le don a été fait, il y avait un engagement de la BNF à faire une exposition. Ça ne s'est fait qu'en partie avec l'exposition consacrée au livre, avec une sorte de sous-partie sur Babar. Et donc là, je crois que Mathieu Brunhoff, dont j'ai écouté avec plaisir l'interview, était content du fait que ça arrive à réalisation et avec ce goût que important que, bien sûr, c'était à eux, mais maintenant, c'est le patrimoine de tous. Donc, c'était, je crois que c'est une excellente initiative. Et je crois que ça vaut la peine de montrer que des œuvres, il y a en littérature de jeunesse, quoi que certains en pensent, de grandes œuvres destinées aux enfants. Terminerons sur cette magnifique conclusion. Merci beaucoup Isabelle Nière-Chevrel pour toutes ces informations passionnantes sur Babar qui, je pense, donne très envie d'aller se replonger dans les albums et d'aller très très vite avant le 29 janvier à la Bibliothèque Nationale de France. Donc je répète, voir cette exposition qui s'appelle La Fabrique de Babar. Et puis donc d'acheter peut-être le catalogue de la deuxième exposition dont vous parlerez, je pense, Véronique, peut-être dans quelques temps. Voilà, là il y a un peu plus de temps, donc au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Voilà. Attention, merci beaucoup. Je précise, le catalogue rassemble des éléments des deux expositions. D'accord, voilà. D'accord. Donc c'est un bon investissement. C'est un très bon investissement pour 35 euros. Voilà. Mathilde, quelques informations autour de la Frelos? Oui, quelques actualités de la recherche pour ce mois de janvier à Paris et un petit peu en dehors. Alors tout d'abord, à l'IUFM de l'Université de Caen, qui organise le mercredi 18 janvier une journée d'études sur François Place. Alors c'est une journée qui se penchera sur l'œuvre multiforme de François Place dans ses dimensions documentaire, littéraire, linguistique, anthropologique. Et c'est une journée qui me semble tout à fait intéressante car François Place sera présent et c'est l'occasion aussi donc de le rencontrer et de discuter donc avec lui, avec des enseignants et des chercheurs. Donc à l'UFM de Caen, le mercredi 18 janvier à partir de 9h. Une autre journée d'études. Le vendredi 20 janvier, cette fois-ci à Arras, c'est pas très bon Paris encore une fois, mais bon, il y a des choses très très dynamiques dans les universités en province, comme on dit. Donc à l'université d'Artois, le vendredi 20 janvier, une journée d'études, alors cette fois-ci plus sur la culture d'enfance, qui s'intitule « Filmer la classe » et qui pose des interrogations, là encore interdisciplinaires, autour de cet objet filmique qu'est le film de classe. Et c'est une journée qui va convier des études cinématographiques, bien entendu, mais aussi les sciences de l'éducation, la sociologie, l'histoire. Donc cela promet d'être aussi tout à fait passionnant le vendredi 20 janvier à l'Université d'Artois, à Arras, à la salle des colloques de la Maison de la Recherche, là aussi à partir de 9h. Une publication également. Je voulais signaler la parution du dernier ouvrage, du nouvel ouvrage de Jean Perrault, qui est un petit peu une somme de ses dernières réflexions, puisque le livre s'intitule « Du jeu des enfants et des livres à l'heure de la mondialisation ». Donc un essai publié aux éditions du Cercle de la Librairie. Et c'est un livre tout à fait intéressant qui montre comment le jeu, qui est la culture de l'enfance, a entraîné une forte mutation des œuvres destinées à la jeunesse dans le contexte de la mondialisation. Donc on voit vraiment toutes les préoccupations de Jean Perrault, qui est un chercheur émérite et qui travaille beaucoup sur le livre d'enfant, mais aussi sur la culture d'enfance et de jeunesse dans cette dimension de la mondialisation. Alors c'est un livre qui coûte à peu près le même prix que le catalogue, bon après Noël, mais qui coûte 34 euros, mais qui est un livre tout à fait intéressant et qui fait aussi le bilan, dans son introduction, le bilan de la recherche en littérature de jeunesse. Et puis une dernière petite information sur, alors cette fois-ci, dans l'univers du numérique, avec un nouveau carnet de recherche, un site qui est hébergé par le Centre pour l'édition électronique ouverte, qu'on appelle le Cléo, qui dépend du CNRS. Donc on est vraiment dans la recherche, c'est tout à fait sérieux. Et c'est un carnet de recherche qui s'appelle Album 50, qui est administré et géré par Cécile Boulaire de l'Université de Tours. Et ce carnet de recherche Album 50 s'intéresse à l'histoire et à l'esthétique de l'album pour enfants en France depuis les années 50. Alors, en publiant, en écrivant des articles sur un certain nombre d'albums, de réflexions, articulant la recherche de Cécile Boulaire et les séminaires qu'elle donne à l'Université de Tours dans le cadre de ses enseignements de master. Donc l'adresse de ce site, c'est http://album50, donc A-L-B-U-M 50 en chiffres, .hypothèse au pluriel, .org. Une dernière toute petite information, cette fois-ci sur la Frelos, pour indiquer que la Frelos a également un séminaire de recherche interdisciplinaire qui est ouvert à tous ceux que la littérature et la culture d'enfance intéressent, enseignants, chercheurs, bibliothécaires, amateurs, etc. Un séminaire qui a lieu à l'École normale supérieure et la prochaine séance aura lieu le samedi 28 janvier à 10h en salle Veille, donc à l'ENS 45 rue d'Ulm dans le 5e arrondissement. Et nous recevrons Mariella Collin, collègue de l'Université de Caen, spécialiste de littérature italienne et qui parlera des adaptations italiennes d'Alice à travers le miroir. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de l'association Afrolos, dont je rappelle l'adresse http://magasindesenfantstoutattaché.hypothèse.org. Mathilde, merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous retrouve donc à la fin du mois de février, le 22, si je ne me trompe pas. C'est exact. Et je recevrai Stéphane Bonnery de l'Université Paris 8, qui viendra plutôt parler, cette fois-ci, de lecture, de sens de l'éducation et de sociologie. Merci beaucoup. Merci.